Le destin nous a fait connaître le jour de mes 17 ans. La vie n'a pas été rose pour tous les deux. Le bonheur a tout fait pour qu'on puisse s'aimer et faire notre petit bout de chemin ensemble. Puis notre bonheur a grandi au fil du temps. Que demander de plus que t'aimer? Nous deux, c'est l'amour éternel. Je te sens si loin de moi et si près à la fois. Je voudrais te toucher, sentir ton corps contre le mien. On s'est écrit tous les jours par SMS. On parle d'amour, de notre manque de nous, de nos prochains rendez-vous. Et on rêve du présent, un souvenir d'un passé récent. De notre passion, toujours en éveil, aussi brûlant qu'un soleil. Ouais, je t'aime mon amour. Le chemin nous a éloignés dernièrement par la routine et l'ordinateur. J'ai rencontré quelqu'un après mon départ. Je t'ai fait du mal et je t'ai blessé. Pourras-tu me pardonner? Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. C'est pour ça que je suis revenue à tes côtés pour refaire ma vie avec toi. Nous avons revécu le coup de foudre avec un feu renouvelé chaque jour. Des baisers électriques, des corps à corps volcaniques. Vivre sans toi m'est pénible, cela me semble impossible. Je me nourris de ta présence, je meurs par ton absence. Tu es mon plus beau poème, simplement parce que je t'aime. Je ne sais que répondre, sauf que tu me manques. Quand nous devons nous quitter, après un tendre et amoureux week-end. C'est une déchirure, un moment dur. Mais je sais que ce n'est que pour quelques jours. J'attends toujours ce jour avec impatience pour te serrer dans mes bras, pour te dire que je t'aime. Non, je ne t'en veux pas, bien au contraire, cela nous a permis de nous refaire. Être plus amoureux qu'à jamais, rien ne peut y faire. Nous désunir sauf la mort peut-être, tout ça pour te dire que je t'aime, ma douce et tendre amour, et que je suis triste sans toi. Je te bise tendrement et amoureusement. Je t'aime tellement.